Il y a des conflits qui lassent. Je veux dire qu'ils n'intéressent plus la presse, tant ils semblent interminables et que les informations à leur propos se répètent aussi inlassablement que tragiquement. Il en est ainsi de la guerre du Sri Lanka qui oppose depuis presque un quart de siècle les tigres tamouls à l'armée singhalaise. Le Sri Lanka, c'est-il en forme de goutte, comme un point d'exclamation qui prolongerait le sous-continent indien. Goutte de diamant, tant ce pays dispose d'atouts géographiques, climatiques, économiques et même culturels. Les Sri Lankais sont alphabétisés à 90%. Mais goutte de sang, à cause de ces déchirements internes, des déchirements chroniques et meurtriers qui ruinent ce pays de cocagne. Ainsi, ce regain de violence qu'on observe depuis décembre 2005, où les tigres tamouls ont répondu au bombardement de l'armée par de nouveaux attentats terroristes. On assiste depuis la fin juillet 2006 à une guerre totale et le cessez-le-feu signé en 2002 est bel et bien oublié. Près de 1000 victimes déjà, dont plus de 200 civils et 170 000 personnes qui ont fui les combats depuis 2 mois. Deux exemples particulièrement sanglants. L'assassinat de 12 collaborateurs de l'ONG française Action contre la faim et le bombardement très meurtrier d'un orphelinat. Une situation si préoccupante que la mission de contrôle de la trêve installée en zone tamoule dans le nord et nord-est du pays s'est repliée dans la capitale Colombo. Alors, quelles sont les raisons profondes de ce conflit? Le fanatisme religieux et nationaliste est-il le seul responsable de cette violence qui a déjà provoqué la mort de plus de 60 000 Sri Lankais et poussé des centaines de milliers d'autres habitants à fuir à l'étranger? Quel rôle ont joué les grandes puissances dans l'histoire de cette île qui occupe une position stratégique sur la route maritime qui relie l'Europe à l'Asie du Sud-Est? Et surtout, quelle a été l'implication de l'Inde, le grand voisin, que tant de liens unissent au Sri Lanka? Et qui est le mystérieux chef de la rébellion tamoule? Un chef implacable qui, bien avant les terroristes islamistes, a inventé les attentats suicides. Enfin, le fils et successeur d'Indira Gandhi, Rajiv, a-t-il été la victime indirecte de ce lointain conflit? Dans un instant, Monsieur X propose ses réponses. Diviser pour mieux régner. Et telle a souvent été la politique des puissances coloniales lorsqu'elles voulaient juguler les oppositions dans les territoires qu'elles avaient conquis. Et dans ce domaine, il faut bien reconnaître que les Britanniques ont été des champions, en particulier à Ceylan. Ouais, pas seulement eux. Les Français aussi en Afrique, hein, et en jouant les différences ethniques, et également les Belges au Rwanda en montant les Tutsis contre les Hutus. Hein, ouais, ouais. Enfin, je suis d'accord avec vous, mais enfin, toutefois passons et voyons de plus près l'histoire chaotique de ce pays qui a pourtant tout pour vivre heureux. Enfin, rassurez-vous, je ne veux pas être trop long. Ah ben. On estime généralement que les ancêtres des Singhalais actuels sont arrivés dans l'île quelques 5 siècles avant notre ère. Oui, mais d'où venaient-ils alors? De l'Inde voisine, et le bouddhisme les a suivis. C'est un point très important, car les Sri Lankais considèrent encore aujourd'hui que leur pays est le conservatoire du bouddhisme. Mmh. Alors que l'Inde va majoritairement adopter la religion hindouiste. En effet, oui. Or, justement, 1 siècle avant notre ère, les envahisseurs débarquent. Eux aussi viennent de l'Inde, du sud de l'Inde, c'est-à-dire du pays tamoul. Ils échouent à s'emparer de l'île, mais ils s'installent durablement, surtout au nord et à l'est. Mmh. Et eux sont donc des hindouistes. Naturellement. Ouais. Et tout au long des siècles, on assistera à de nombreux conflits entre les deux communautés organisées en royaumes, en particulier pour des raisons religieuses. Il faut aussi noter que des marins et marchands arabes viendront propager l'islam, mais cette islamisation restera quand même très limitée. Globalement, alors, comment se présente aujourd'hui la répartition entre ces différents groupes? Les Singhalais bouddhistes sont largement majoritaires, 13 millions sur un total de 18 millions. Les Tamouls, eux, sont au nombre de 3 millions. Quant aux musulmans, ils sont un peu plus d'1 million. Et ils subiront plus souvent qu'à leur tour les conséquences des rivalités entre les deux principales communautés. Oui, forcément. Alors, vous évoquiez la colonisation. Elle commence au XVIe siècle. Les Portugais d'abord, puis les Hollandais. Et puis enfin, les Anglais qui s'imposent à la fin du XVIIIe. Sont eux qui vont exploiter les richesses de l'île en développant les plantations de thé ou d'EVA. Et comme ils ont besoin de main-d'œuvre, ils font venir d'Inde des centaines de milliers de tamouls, ceux qu'on va appeler les tamouls des plantations, et pour les différencier des tamouls implantés dans l'île au début de notre ère. Mais ne compliquons pas l'excès. Ouais. Puis, vous m'avez promis, pour une fois. d'aller vite. Comme vous voudrez. Enfin, ce qui est important, c'est que le colonisateur choisit sciemment de favoriser la communauté tamoule. Et donc, au détriment des Cingalais hindouistes, hein, d'où votre expression « divisé pour rayer hein. ». Bah, évidemment. Et ce favoritisme alors, en faveur des tamouls se manifeste de quelle façon ? Sur le plan scolaire et universitaire, par exemple, et ça se traduit bien sûr par l'ascension sociale qui s'ensuit. Mais quand l'indépendance est acquise en 1948, le retour de bâton est inévitable, car c'est la majorité cingalaise qui accède au pouvoir. Une précision d'abord. Hein. C'est à l'occasion de l'indépendance que Ceylan devient le Sri Lanka. Alors, devient plutôt, car c'était son nom avant de l'ère coloniale. Alors, j'imagine que cette majorité cingalaise va prendre sa revanche. Forcément. Et ça commence par une décision unique. Les Tamouls des plantations se voient refuser la citoyenneté sri lankaise. D'autre part, les nouvelles autorités encouragent les Cingalais à s'installer dans des zones fertiles, traditionnellement cultivées par les Tamouls. C'est une sorte de colonisation. Hein. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est une revanche qui est aussi teintée de racisme. Ah bah pas seulement. À Colombo, la capitale, on a tendance à considérer que les Tamouls sont par nature trop proches de l'Inde. Et de leurs frères qui résident en Inde, dans l'état du Tamil Nadu. Hein, de l'autre côté du détroit, à seulement 30 km des côtes sri-lankaises. Et dans la capitale, Colombo, on se méfie de l'Inde. Et de ses éventuelles ambitions impérialistes. Et pour la même raison, pendant la guerre froide, lorsque l'Inde se rapprochera de l'URSS, le Sri Lanka choisira ostensiblement le camp occidental et l'alliance avec les États-Unis. Enfin, quoi qu'il en soit, les Tamouls, qui se sentent brimés, ne tardent pas à réagir. D'abord en créant un parti nationaliste, puis en se manifestant régulièrement par des actions violentes et même des assassinats. Oui, mais enfin, ce n'est pas encore la guerre. Non, mais la fièvre ne cesse de monter. D'autant qu'à Colombo, on ne fait pas dans la dentelle. Le bouddhisme devient donc la religion officielle, et à l'école, les Tamouls sont obligés d'apprendre la langue tingalaise. Et c'est pourquoi, peu à peu, la revendication d'un État tamoul séparé se fait jour. C'est donc la radicalisation. Oui, mais bientôt, ça sera la guerre civile. Ouais, quand, alors ? En 1983. Et d'après vous, cette guerre civile, elle était inévitable ? Certainement, parce qu'à Colombo, on se refuse à toute concession. Pire, la démocratie parlementaire, héritage du colonisateur britannique, est remplacé en 1977 par un régime présidentiel fort qui n'est nullement enclin à satisfaire les revendications des Tamouls. Mais auparavant, en 1975, s'est passé un événement considérable qui préfigurait bien ce qui allait se dérouler ensuite. Alors quoi ? L'assassinat du maire de Jaffna, la grande ville du Nord. Mais c'est la personnalité du tueur qui devrait surtout attirer l'attention. C'est un jeune homme qui a tout juste 20 ans, un certain Velupillai Prabhakaran. Oui, c'est le futur chef des tigres tamouls. Hein, lui-même, oui. Un type dont on reparlera, bien sûr. Un chef implacable, qui fait autant peur qu'il est admiré par les siens. Il est à l'origine d'un mouvement armé dont l'acronyme est LTTE. Ce qui veut dire, là ? En bon français ? Oui. Tigre de libération de l'Ilam Tamoul. Tigre, parce que c'est l'emblème traditionnel de la nation tamoul, le lion étant celui des Cingalais. Et l'Ilam, alors ? Ça signifie en tamoul « pays précieux ». Et c'était le nom de l'ancien royaume tamoul. Ce sont donc ces tigres qui vont déclencher la guerre civile. Oui, préalablement, ils ont subi un entraînement militaire en Inde. Au Tamil Nadu, j'imagine. Bien entendu. Et ici, il faut d'ores et déjà souligner l'ambiguïté de la position indienne. Car New Delhi, qui veut en principe vivre en paix avec son petit voisin, ne peut pas ignorer que les séparatistes tamouls s'entraînent sur son territoire. Oui. Mais pour autant, alors, est-ce que les Indiens ferment seulement les yeux ou est-ce qu'ils vont plus loin et aident matériellement les Tamouls de Prabhakaran ? Ils vont plus loin, comme vous le dites. Hein. Les services secrets de New Delhi soutiennent ces mouvements nationalistes. Mais parce qu'à côté des tigres, il existe d'autres groupes, d'autres mouvements. Hein. Plusieurs, oui. Et les services indiens les surveillent de très près, car ils n'ignorent pas qu'ils jouent avec le feu. Ils, c'est les Indiens. Hein. Oui. Mais alors, ça veut dire quoi, ça ? Eh bien, l'aide qu'ils apportent aux séparatistes pourrait se retourner contre eux. Ça pourrait en effet donner des idées aux Tamouls indiens. Ou bien encore à d'autres indépendantistes, les Cachemiris, par exemple, dont nous avons parlé cette année même. Mmh. Ou encore les Sikhs. Ouais, les Sikhs qui vont assassiner Indira Gandhi en 1984, hein, je crois. Mmh. Non, alors par conséquent, prudence. Et discrétion. Ouais. Mais fondamentalement, dites-moi, pourquoi l'Inde est-elle les tigres et les autres mouvements tamouls ? D'un côté, je pense que le parti au pouvoir, le parti du congrès d'Indira Gandhi, veut donner des gages aux dirigeants du Tamil Nadu. Oui, en aidant les Tamouls, leurs frères du Sri Lanka, hein, le gouvernement indien entend s'assurer un soutien politique au Tamil Nadu. C'est cela. Et d'autre part, l'Inde, consciente de son rôle de puissance régionale, veut aussi garder un œil sur le petit Sri Lanka. Mais peser sur son destin. Bon, en outre, je vous l'ai déjà dit, les positions pro-états-uniennes des dirigeants sri-lankais ne sont guère appréciées par New Delhi. Mais, et c'est là où je veux en venir, les Indiens et leurs services secrets ne réalisent pas qu'ils mettent la main dans un véritable nid de guêpes. Et ça va leur coûter très cher. Quelques informations sur les rivalités entre les Cingalais bouddhistes et les Tamouls hindouistes. Je les ai trouvées dans un remarquable chapitre de l'ouvrage bien connu « Les mondes rebelles » paru aux éditions Michalon. Je cite les auteurs Jean-Marc Balancier et Arnaud de Lagrange. À l'échelle du sous-continent indien, les Cingalais bouddhistes souffrent d'un complexe obsidonial face aux masses humaines de confession hindoue vivant dans l'île ou dans l'Inde voisine. À ce titre, la minorité tamoule sri-lankaise leur apparaît comme une sorte de cinquième colonne. Cette crainte latente et multiséculaire a été accentuée par les effets de la colonisation, puisque les Tamouls y ont joué un rôle prédominant en fournissant de nombreux collaborateurs à l'administration britannique. De ce fait, ils ont souvent été perçus par les Cingalais comme des profiteurs de la période coloniale. À l'indépendance, largement dominant d'un point de vue numérique, les Cingalais ont récupéré le pouvoir, mais victimes d'un complexe d'infériorité majoritaire, ils ont cherché, tout en maintenant une façade démocratique, à instaurer un État privilégiant les valeurs bouddhistes et cingalaises considérées comme menacées, au détriment des intérêts de la petite élite eurasienne, christianisée et anglophone, les burghers, et de la minorité tamoule. Comment commence cette guerre civile annoncée ? Par une embuscade que les tigres tendent à une escouade de l'armée à Jaffna. Là où Prabhakaran a déjà assassiné le maire. Exact. Pour les Tamouls, Jaffna est une sorte de capitale, car ils y sont largement majoritaires. En tout cas, en ce jour de juillet 1983, les tigres tuent plus d'une dizaine de soldats. Cette sanglante escarmouche déclenche une véritable fureur, tant chez les dirigeants cingalais que dans certains mouvements extrémistes anti-tamouls. Et dans les zones peuplées majoritairement de cingalais, on assiste à de véritables pogroms. Des pogroms anti-tamouls ? Oui, en quelques jours à peine, 2 ou 3 milliers de tamouls sont tués. Ces massacres ont pour conséquence de pousser les survivants dans les bras des organisations séparatistes et on va bientôt assister à la formation de maquis tamouls. Objectivement et cyniquement, on peut donc dire que les tigres ont réussi leur coup en s'attaquant à cette escouade de l'armée cingalaise. Absolument, car la répression qui a suivi a permis à Prabhakaran non seulement de renforcer ses rangs, mais aussi d'asseoir son autorité sur les autres mouvements indépendantistes tamouls. Mais il faut dire qu'il n'y va pas de main morte. Ah bon, ce qu'il veut dire ? Avec lui, il n'y a pas de demi-mesure. Si on n'est pas avec lui, on est forcément contre. Et si on discute son autorité, on est immédiatement liquidé. Physiquement liquidé. Bien sûr. Prabhakaran n'a pas l'habitude de faire de quartier. Et il ne cessera au fil des ans d'administrer des preuves de son caractère implacable et de la discipline féroce qu'il impose aux siens. Il y a les siens, c'est militant. Et militante, car c'est l'une des particularités du mouvement des tigres. On y trouve beaucoup de femmes, et malheureusement aussi des enfants. Des enfants, des enfants soldats Qui viennent remplacer les adultes tombés au combat. Autre spécificité des tigres tamouls, ces militantes tamouls sont souvent utilisées pour perpétrer des attentats suicides. Oui, parce que j'imagine qu'elles passent plus facilement inaperçues. C'est ça, on se méfie moins d'une femme. J'ajoute que tous les militants, y compris Prabhakaran lui-même, portent sur eux une capsule de cyanure qu'ils doivent avaler en cas d'arrestation. Oui, pour ne pas être tentés de parler. Oui, et depuis 1983, des centaines de militants ont choisi de mourir ainsi. Les tigres vouent un vrai culte au suicide qui est l'acte militant suprême. Le sacrifice. Un sacrifice qui a naturellement une dimension religieuse. Hindouistes, ces tamouls sont convaincus d'être récompensés dans la vie nouvelle qui les attend. Il existe même au sein du mouvement une brigade spéciale, les tigres noirs, composés de volontaires souvent féminins. C'est-à-dire des candidats à l'attentat suicide, c'est ça hein. Et Brabaccaran disposerait en permanence au sein de cette brigade d'un volant de 50 volontaires candidats au martyr. Et alors cette discipline impitoyable qu'il exerce. Brabaccaran est un despote qui est l'objet d'un véritable culte. C'est le chef absolu à qui l'on doit obéir en tout. Par ailleurs, il exige de ses adeptes des mœurs rigides. Moralisme. En effet, on ne rigole pas tous les jours chez les tigres. Quand on ne s'entraîne pas, on étudie. Et si l'on veut se marier, eh bien, on demande d'abord la permission au chef. Eh bien, et politiquement bon, c'est un petit peu plus flou. Brabaccaran a d'abord été un marxiste convaincu. Maoïste, j'imagine. Évidemment. Ouais. Mais c'est l'aspect nationaliste qui caractérise l'idéologie des tigres. Brabaccaran lutte pour un pays tamoul libre, indépendant et socialiste. Enfin, pour être tout à fait complet, il faut ajouter que les tigres disposent aussi d'une vitrine légale, comme on dit aujourd'hui. Ouais, un parti politique. Et toute une nébuleuse d'organisations satellites, syndicats, formations étudiantes, etc. Ça permet à Brabaccaran de quadriller le pays tamoul de façon très efficace. J'ajoute, et là encore, c'est une particularité des tigres, que la guérilla tamoule n'est pas seulement terrestre. Elle possède aussi une marine, toute une flottille de vedettes légères et rapides qui sont aussi puissamment armées. Ça permet aux tigres d'attaquer la marine sri-lankaise. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et c'est donc assez efficacement. Et là encore, ces vedettes sont parfois utilisées pour des attentats suicides. Mais attendez, d'où viennent ces bâtiments? Les tigres ont leurs propres installations portuaires et des chantiers navals dans les zones qu'ils contrôlent. C'est en tout cas ça, cet aspect maritime, c'est tout à fait inédit pour une guérilla. Tout à fait, hein. Oui, absolument. Oui. Et alors, sur le terrain? Malgré l'intervention massive de l'armée sri-lankaise, les tigres résistent. Et dans les régions qu'ils occupent, ils mettent en place de véritables structures étatiques. Police, justice, finance, administration, et ils règnent en maître. Au fond, c'est une sorte de préfiguration d'indépendance. Exactement. Et l'armée de Colombo, qui multiplie par ailleurs les exactions, est impuissante à juguler la répression et à reconquérir ces régions. Toutefois, en 1987, l'armée sri-lankaise lance une grande offensive au nord dans la péninsule de Jaffna. En territoire tamoul, donc. Oui, et au prix de pertes humaines considérables, elle parvient à s'emparer de Jaffna. Alors ça, c'est quand même un échec pour les tigres. Et cette opération, qui fait un grand nombre de victimes dans la population civile, ne veut pas laisser insensible le grand voisin du Nord. Alors, justement, il faut peut-être revenir à la position de l'Inde et à son implication dans le conflit. Vous avez raison, car c'est l'une des clés de cette affaire. Dans un premier temps, donc, l'Inde apporte son soutien aux rebelles tamouls. Bon, on n'y revient pas, je vous ai expliqué pourquoi. Mais c'est une position qui n'est pas tenable à long terme, essentiellement pour des raisons internationales. Quoi, le discrédit? Oui, et puis je vous l'ai dit, l'Inde ne peut pas à la fois soutenir une rébellion indépendantiste à l'extérieur et réprimer à l'intérieur chez elle les tentations séparatistes. Par conséquent, Rajiv Gandhi, qui a succédé à sa mère, doit choisir une politique plus claire. Disons-le tout net, il brûle d'envie de s'imposer comme le faiseur de paix. Le faiseur de paix, une paix indienne. En outre, le nombre croissant de réfugiés tamouls dans le sud de l'Inde provoque de graves difficultés dans l'état du Tamil Nadu. Alors, Gandhi commence, tout en prenant ses distances avec les tigres, par ce qu'on appellerait aujourd'hui une opération d'ingérence humanitaire. Oui. Précisez quand même, c'est-à-dire... L'armée indienne parachute des vivres et des médicaments dans les zones de combat. Puis New Delhi, prenant prétexte de l'impuissance de l'armée sri-lankaise, à venir à bout donc de la résistance tamoule, va intervenir directement. C'est-à-dire en envoyant des troupes au Sri Lanka? Et en se posant comme arbitre. Les dirigeants sri-lankais acceptent? Ils n'ont guère le choix, car un autre front s'est ouvert. Où? En pays singalais. Un mouvement ultranationaliste accusant les autorités de Colombo de mollesse dans la répression anti-tamoule se lance alors dans une intense campagne de terreur et multiplie les attentats contre les forces de l'ordre. Ouais. Alors, pris entre deux feux, les autorités sri-lankaises se résignent à voir l'armée indienne débarquer. Ils n'ont guère le choix et signent un accord avec New Delhi. Accord au terme duquel est réaffirmée l'unité du pays, mais aussi son caractère pluraliste. C'est donc une sorte de reconnaissance officielle du particularisme tamoul. Mais notez-le bien, il n'est pas question d'indépendance. D'autre part, cet accord prévoit le retour des militaires sri-lankais dans leurs casernes, mais aussi un désarmement des tamouls. Et ça commence plutôt bien. L'intervention indienne calme la situation et une paix relative s'installe. C'est la fin des opérations militaires ? Oui, mais dès le départ, il y a un formidable malentendu. Les Sri Lankais revendiquent le commandement de cette force d'interposition. Oui, au nom de la souveraineté nationale. Ça. Alors que les Indiens ne sont nullement décidés à placer leurs troupes sous commandement Sri Lankais. Toutefois, dans un premier temps, ça se passe bien. Oui, c'est ce que vous avez dit. Mmh. Et les Tamouls, alors ? D'abord, ils profitent de cette accalmie pour respirer. Et on voit même des tigres coopérer avec l'armée indienne dans la reconstruction des villes détruites. Mmh. Mais ont-ils rendu leurs armes ? Certainement pas. Ils n'en ont pas du tout l'intention. Alors ça veut dire qu'ils sont à nouveau prêts à recourir à la violence. Oui, Prabhakaran ne peut pas se contenter de cette semi-autonomie qu'on lui promet. Et il est prêt à passer à l'action à la première occasion. Ce qu'il va faire à peine 3 mois après le débarquement de l'armée indienne au Sri Lanka. Qui est exactement Velipullai Prabhakaran ? Dans un reportage effectué après le tsunami de la fin 2004, l'envoyé spécial du Nouvel Observateur, Olivier Perretier, écrit ceci. Est-il en vie ? Dimanche, la presse de Colombo s'interrogeait sur le sort de Velipullai Prabhakaran, le redoutable leader des indépendantistes tamouls du LTTE. Sa base de Mulettivu, au nord du Sri Lanka, a été anéantie par le raz-de-marée du 26 décembre. Diplomates, hommes politiques et journalistes de Colombo se demandaient pourquoi Prabhakaran n'a pas donné signe de vie depuis le tsunami. Certes, le chef des rebelles vit dans la clandestinité depuis plus de 30 ans et il choisit toujours le moment de ses rarissimes interventions. Mais il dispose de stations de radio et de télévision, de sites internet et de journaux. On se demandait pourquoi il avait jugé bon de laisser ses subordonnés s'exprimer après une catastrophe de cette ampleur. Il y aurait eu 40 000 morts et disparus dans la zone qu'il contrôle. L'homme passe à juste titre pour le plus efficace des chefs de guérilla du monde, d'une ténacité, d'une sauvagerie et d'une intelligence exceptionnelle. Ce n'est pas à proprement parler un démocrate, mais un curieux mélange de Robespierre, Staline, Pol Pot et Castro. Prabhakaran se signale par un dévouement absolu à la cause d'un ilam indépendant, le refus obstiné du moindre compromis et l'absence totale de scrupules sur les méthodes pour parvenir à ses fins. Né en 1954, dans ces années où le gouvernement de Colombo commettait la folie d'imposer le cingalais et le bouddhisme comme langue et religion officielle du Sri Lanka, cet homme timide, à la voix douce, a commencé sa sanguinaire carrière à 21 ans par l'assassinat du maire de Jaffna. En 1983, l'embuscade sanglante d'une patrouille de l'armée gouvernementale, 15 morts, ouvrait une guerre civile de 20 années au Sri Lanka. Tandis que l'armée gouvernementale se livrait à des atrocités contre les Tamouls, Prabhakaran ne reculait devant rien. Extermination de populations entières à l'arme blanche, attentats suicides aux camions piégés en plein centre de Colombo, exécution de ses rivaux et de ses compagnons, assassinat de Rajiv Gandhi et du président sri-lankais Premadasa par des bombes humaines, liquidation de prisonniers, terreur sur son propre peuple, torture, racket, enlèvement, chantage, trafic de drogue. Dans quelles conditions le chef des Tigres, Prabhakaran, repasse-t-il à l'action ? En octobre 1987, une petite vingtaine de militants tamouls, prisonniers des autorités, doivent être transférés vers la capitale. Mais fidèles à la doctrine des Tigres, 12 d'entre eux préfèrent la mort et avalent leur capsule de cyanure. Et c'est le prétexte qu'attendait Prabhakaran. Ces militants capturent des soldats cingalais et en tuent 8. Puis un affrontement les oppose aux forces indiennes. Là encore, il y a des morts. Les Tamouls, alors, se retournent donc contre leur ancien protecteur. Et désormais, les Indiens accusés d'être de mèche avec les dirigeants cingalais seront considérés comme des ennemis. De vraies batailles rangées s'engagent entre l'armée indienne et les Tigres, et souvent au détriment des soldats indiens qui subissent de lourdes pertes. En même temps, et c'est assez paradoxal, sous la pression des nationalistes, les dirigeants de Colombo vont se retourner contre les Indiens. C'est même un enjeu électoral, car le futur président fait campagne sur le thème du départ des Indiens. Ce qui va arriver forcément. Oui, Rajiv Gandhi s'est brûlé les doigts en intervenant militairement au Sri Lanka. Et bientôt, il devra rapatrier ses dizaines de milliers de soldats. Une retraite assez piteuse, il faut bien le dire. et qui s'accompagne d'une autre défaite. Mmh, quoi, là ? Bah, si l'armée indienne abandonne le terrain à New Delhi, on ne désespère pas de venger l'humiliation subie. Une mission dévolue aux services secrets, chargée de regrouper les Tamouls qui n'ont pas fait allégeance à Prabhakaran, et c'est ainsi qu'ils mettent sur pied et arment une force paramilitaire grosse de 30 000 hommes. Mmh. 30 000 hommes, c'est considérable à l'échelle du Sri Lanka. En effet, mais c'est un nouvel échec. Car le gouvernement sri-lankais, placé devant le fait accompli, met tout en œuvre pour démanteler cette organisation anti-tigre manipulée par les Indiens. Et au bout de 6 mois, c'en est fini. Mmh. Donc, si je vous ai bien entendu, il y a quand même une sorte d'alliance objective entre les tigres et le gouvernement sri-lankais. Oui, mais enfin, une alliance fragile. Car les deux camps, après cette union sacrée contre l'occupant indien, sont prêts à reprendre le combat l'un contre l'autre. En attendant, les tigres profitent du départ des soldats indiens pour occuper les positions qu'ils ont abandonnées et consolider leur pouvoir dans la région nord-est. Quoi qu'il en soit, objectivement, c'est un grave échec pour l'Inde. Et surtout pour Rajiv Gandhi, qui se faisait fort de ramener la paix et même, après octobre 1987, d'en finir militairement avec les tigres tamouls. Et le fils d'Indira va le payer très cher. De sa vie ? De sa vie, oui, en mai 1991. Je vous rappelle les faits ? Oui, oui, volontiers. En 1991, Rajiv Gandhi est en campagne électorale alors qu'il participe à un meeting dans l'état du Tamil Nadu. Chez les Tamouls indiens, donc. C'est ça. Ouais. Une petite femme au teint très foncé se présente devant lui. Elle se courbe. Oui, comme une manifestation de respect. Oui, une coutume très courante en Inde. Mais à ce moment, une terrible explosion se produit. Rajiv est tué sur le coup. Ouais, c'est un attentat suicide. Et la petite femme qui portait une ceinture d'explosifs dans le dos est-elle aussi déchiquetée par l'explosion ? Ouais. Une douzaine d'autres personnes périssent également. Et alors immédiatement, on pense aux tigres tamouls. Hein ? Bien entendu, parce que ça ressemble bien à leur manière d'opérer. D'autre part, l'explosif utilisé est de même nature que celui qui équipe les bombes humaines tamoules. Ouais. Puis elle est mobile. L'intervention indienne au Sri Lanka, initiée par Rajiv Gandhi. Ouais. Par conséquent, le crime semble signé. Et immédiatement, la police procède à des arrestations dans les milieux tamouls. En Inde, évidemment. Ouais. Et New Delhi demande en vain l'extradition de Prabhakaran. Une extradition impossible à obtenir car le leader des tigres est en sécurité dans son fief tamoul. Et pourtant, tout n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît au premier abord. Alors, c'est-à-dire ça ? Bon, certes, il n'y a aucun doute sur la participation de Tamouls dans cet assassinat, mais n'ont-ils pas rempli une sorte de contrat ? Vous voulez dire que les vrais commanditaires ne seraient pas des Tamouls ? Des Tamouls sri-lankais, oui. C'est tout à fait probable. Et plusieurs faits viennent conforter cette hypothèse. On peut d'abord se demander comment cette petite femme a pu arriver jusqu'à Rajiv. Ah bah, elle pouvait avoir des complicités dans le dispositif de sécurité. Un dispositif curieusement allégé depuis quelques temps. Bon. Ouais. D'autre part, Gandhi avait modifié son emploi du temps. Mais son assassin le savait pertinemment. Un autre indice qui confirme qu'il y a eu une fuite quelque part dans l'entourage de Rajiv. Hein. D'accord, mais alors qui ou quelle organisation serait le commanditaire ? Gandhi ne manquait pas d'ennemis. On a même dit que les Américains auraient pu se trouver derrière cet attentat. Attendez, pourquoi, là ? À Washington, on n'avait pas apprécié la décision de Gandhi de ne pas se joindre à la grande coalition militaire contre Saddam Hussein. Mais lors de la première guerre du Golfe. Hein, enfin, je n'y crois guère. Vous savez bien qu'on ne prête qu'aux riches. Non, je pense plutôt que ce sont des ennemis politiques de Rajiv qui ont commandité le coup. Des ennemis d'origine tamoule qui n'ont guère eu de mal à persuader les tigres de perpétrer cet assassinat, qui était aussi pour eux une façon de se venger. En tout cas, le mystère demeure. Et la plupart des Tamouls arrêtés après l'attentat ont fini par être acquittés ou, pour certains, ont disparu mystérieusement. Mais, à ma connaissance, ce sont toujours les Tamouls qui sont officiellement considérés comme les assassins. C'est exact. Hein. D'autant que 2 ans plus tard, un attentat tout à fait semblable cause la mort du président sri-lankais. Et là, un attentat tamoul. Ça ne fait aucun doute. Mais il faut savoir que les tigres ne revendiquent jamais la responsabilité des attentats qu'ils commettent. Une question avant de voir la suite. Là. Les tigres semblent disposer de moyens financiers considérables. Alors d'où vient l'argent ? En partie du trafic de la drogue. Mais c'est surtout le racket qui finance les activités de l'organisation de Prabhakaran. Un racket qui vise particulièrement les nombreuses diasporas tamoules. Les tamouls de l'étranger, donc. Il faut savoir que la guerre et ses terribles conséquences ont poussé le quart de la population tamoule a émigré. Où ? Bah, surtout au Canada et en Grande-Bretagne. Oui, à cause de la langue. Oui, mais il existe aussi une communauté tamoule chez nous. Mmh. Et ces familles paient de gré ou de force ce qu'on appellerait ailleurs un impôt révolutionnaire. De force ? Certainement. Et les racketteurs savent se montrer très persuasifs. Ils n'hésitent pas à menacer physiquement leurs victimes ou même à tuer leurs parents restés au pays. Donc les tamouls émigrés paient. Et même beaucoup. Alors la suite, après la coûteuse parenthèse indienne, le conflit reprend. Mais toujours aussi violent. Hein. Oui. Bataille de rue, combat naval, bombardement, ça n'arrête pas. Et aucun camp ne semble pouvoir prendre définitivement l'avantage. Mais c'est peut-être le secret de ce conflit. Qu'est-ce que vous voulez dire, là ? Bon, encore un petit peu de patience, je vous prie. Hein. De temps en temps, donc, on observe des trêves. Et même des négociations. Surtout depuis qu'une mission multinationale initiée par les Scandinaves a été mise en place. Quoi, une mission d'observation ? Qui doit veiller, en principe, au respect du cessez-le-feu signé en 2002 entre les deux parties. Mais plusieurs éléments sont venus compliquer la situation. D'abord, des dissensions internes au sein du pouvoir sri-lankais entre la présidente et son premier ministre. Alors là, je passe sur les détails parce que c'est très compliqué. Sachez simplement que c'est la question tamoule qui a alimenté cette controverse. Ensuite, il y a eu des scissions chez les tamouls eux-mêmes. Ah oui, racontez là. Un colonel, un certain Karuma, s'est dressé contre Prabhakaran. Et il n'a pas été liquidé celui-là ? Le chef d'Ethic n'en a sans doute pas eu le temps. Ah bon ? En tout cas, cette rébellion interne a donné naissance à une lutte interne très meurtrière qui a naturellement été exacerbée par le gouvernement de Colombo. Mais ça, c'est une bonne guerre. Hein. Puis il y a eu le tsunami de la fin de 2004. Une catastrophe qui a durement frappé les côtes sri-lankaises, mais qui a donné l'illusion que devant ce drame humain, les belligérants renonceraient enfin aux armes afin de reconstruire leur pays. D'autant que c'est principalement le pays tamoul qui a été touché. Et on a alors observé une trêve, hein, quand même, devant l'urgence. C'est vrai, mais à peine un an plus tard, les attentats et les combats ont recommencé. Et au printemps 2006, les Tigres ont attaqué un ferry chargé de militaires. Et depuis, bah, les incidents extrêmement violents ne cessent de se multiplier. Et la paix s'éloigne. Hein. Ajoutez à cela le fait que les Tigres de Prabhakaran sont furieux d'avoir été rangés par l'Union européenne sur la liste des mouvements terroristes. Et vous comprendrez que la paix n'est pas pour demain. Alors, que vouliez-vous dire là, assez mystérieusement en parlant du secret de ce conflit-là ? Ben, je pense que la guerre nourrit la guerre. Chacun, au fond, y trouve son compte. Ouais, soyez plus précis. Là, quand même. Pour les généraux sri-lankais, cette guerre est très profitable. Ils gagnent beaucoup d'argent, ils mènent grand train de vie. Quant aux marchands d'armes, n'en parlons pas, ils amassent des fortunes. Oui, mais les tamouls... Ben, ils survivent. Et un type comme Prabhakaran risquerait de n'être plus rien si jamais il cessait d'être un seigneur de la guerre et un chef redouté. Alors, pour lui aussi, la guerre est sa raison de vivre. Ben, et notez-le bien, ce conflit, qui coûte très cher à la nation et absorbe près de 40% de son budget, n'empêche nullement le Sri Lanka de connaître une croissance ininterrompue et d'accueillir des touristes. Alors, dans ces conditions, pourquoi voulez-vous que la guerre s'achève ? Et puis, tant pis pour les vraies victimes, c'est-à-dire essentiellement les civils.